بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voilà donc au cours numéro 19 dans l'explication de Kitab al-Salat min Umdat al-Ahkam. قبل أن نشرع في الدرس أحببت أولا أن أشكر الإخوة الذين اجتهدوا واستطاعوا أن يسافروا إلى بلجيكا فإنني قد تعجبت من كثرة الإخوة من هذه المنطقة الذين سافروا هناك. Et donc, premièrement, je tiens à remercier tous les frères donc, qui ont eu la capacité, qui ont fait des efforts de voyager donc, à Bruxelles pour le séminaire. Car j'ai été agréablement surpris du nombre de frères de cette région donc, qui ont pu faire l'effort de voyager là-bas. Et que cela fait partie des causes, justement, d'obtenir donc, une science profitable, le fait de voyager pour pouvoir rencontrer les Toulab, pour pouvoir profiter de ce genre d'assises. Et ceux qui n'ont pas pu, donc, on peut profiter donc, des cours diffusés en direct à la radio et aussi des enregistrements qui vont être propagés, Inch'Allah Ta'ala, en sachant que sûrement pas ce lundi-là, mais peut-être le lundi d'après, je pense. Wallahu a'lam, il se peut que ce soit ce lundi-là ou le lundi d'après, je vais retourner là-bas pour finir un dernier chapitre qu'il me restait à finir. Une heure et demie, à peu près, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, le hadith d'après, l'auteur, il nous dit, « An Abi Juhayfa, Wahb ibn Abdillah Suwa'i, qala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi qubbatin lahu hamra, من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Et donc le hadith d'aujourd'hui selon Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah As-Suwa'i qui dit: j'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une kubba. Ce qui est voulu ici, c'est une tente. La kubba, donc c'est une forme de construction qui est donc plus large en bas qu'en haut. Et comme on peut voir donc aujourd'hui les kubbes qui sont répandues. En sachant, petite parenthèse, que ce qui est voulu aujourd'hui, les kubbas, ce qui est placé au-dessus des mosquées, cela n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi وسلم. Et beaucoup de personnes, كثير من الناس يستدلون بالكوبة الموجودة في المسجد النبوي أعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Beaucoup de personnes ils utilisent comme preuve, malheureusement donc, la kubba, la coupole qui est au-dessus donc de la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم au masjid nabawi. العلامة ابن باز رحمه الله مفتي المملكة سابقا تكلم في هذه المسألة وقال إن هذه الكبة أحدثها أحد أمراء الأتراك في القرن الثامن أو التاسع. Et donc il a dit que cette coupole elle a été placée et elle a été donc inventée ou du moins instaurée par un des responsables turcs en donc au 8e ou 9e siècle. Elle n'était pas présente donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni dans les premières générations. Fala yustadallu biha ala jawaziha. On ne peut pas utiliser ça comme preuve donc pour dire que cela est licite. Aussi donc Deuxième point par rapport à cela, c'est aussi les dépenses. Al-israf fi bina'i hadhihi al-qubab. Les fortes dépenses qu'il y a dans la construction de ce genre de coupole. Cela non plus n'est pas permis. Il est interdit d'exagérer. Il est interdit d'exagérer dans les dépenses. Et aussi, donc, un autre point qu'il est important de noter concernant tout cela, c'est que certaines personnes vont dire, ok, d'accord, mais pourquoi ils ne la retirent pas? Limadala yuzilunaha. Fa'ajaba Et donc, l'ancien mufti d'Arabie, Abshir Abdelaziz ibn Oubaz, il a aussi répondu à cela. Il a dit, donc, Fa'inna ad-dawla as-saoudiyya la tuzilu hadhihi al-kubba khashyat al-fitna. Donc, la dawla, donc l'État en Arabie, il ne retire pas cette coupole par crainte d'une fitna. لأنهم لو أزلوها الجهلة سيقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Car s'ils retirent cette coupa, donc cette coupole, les ignorants, ils diront à ces gens-là, ils n'aiment pas le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh, il a dit, لم يقولوا هذه بدعة نعم أزلوها. Il ne dit, le cheikh, il a dit, ils ne diront pas, ceci est une innovation, alhamdulillah, ils l'ont retiré. Mais ils diront, ah, encore une fois, l'Arabie Saoudite ont montré qu'ils n'aiment pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres raisons, donc par peur, par crainte des fitnas et des troubles, ils l'ont laissé comme tel. Et donc cela n'est pas donc une preuve pour permettre à tous ceux qui vont construire des mosquées par la suite de placer des coupoles au-dessus des mosquées. Et donc, dans ce hadith, on disait donc qu'il était allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une tente rouge. Min Edem. Edem, c'est le pluriel de Adim. Adim, ils l'ont traduit par du cuir. Adim, c'est hu al-jild al-mudabbar. C'est la peau qui a été donc lavée, nettoyée et séchée. On l'appelle aussi Adim. Et donc, donc il dit que Bilal est sorti avec l'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Famin nadihin wa na'ilin. Famin nadihin wa na'ilin. C'est une expression qui veut dire famin as-sahaba man istata'a an ya'khudha kathiran wa minhum man lam yastati' illa an ya'khudha qalilan. C'est une expression qui veut dire il y a parmi les compagnons certains qui ont pu prendre beaucoup de cette eau et d'autres qui n'ont pu prendre qu'un peu. Il y a divergence des shurrah, de ceux qui ont expliqué le hadith, concernant ces deux mots, nadih et na'il. Certains ont dit nadih, ou bien na'il, excusez-moi, certains ont dit na'il, c'est celui qui a pu prendre de l'eau et se passer, donc se frotter avec cette eau. Et d'autres ont dit, donc ça c'était na'il, et d'autres ont dit nadih, c'est celui qui n'a pas pu prendre l'eau et se frotter avec, mais il va prendre de l'eau qui tombe de celui qui se frotte avec. Celui qui se frotte avec, il va prendre l'eau qui tombe et il va, donc, il n'en aura pas assez pour s'en frotter, donc il va faire ce qui s'appelle un nadh. Il va s'en prendre et s'en jeter vite fait sur le corps. Et certains d'autres savants ont dit, donc, na'il, celui qui prend toujours et qui s'en frotte, il fait que ça, il garde que pour lui. Et d'autres qui vont un nadh, c'est-à-dire ils vont prendre pour eux et aussi pour les autres, ils vont leur, donc, mettre l'eau sur eux. Et donc tout ça pour dire que tout avec toutes les divergences qu'il y a concernant l'interprétation du mot nadih et na'il, ça revient à la même signification qui est que il y a parmi les compagnons certains qui ont pu en prendre beaucoup et d'autres qui n'en ont pris que très peu. Tout ça, donc, ils recherchaient donc les compagnons la baraka. La baraka, c'était l'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions et donc ils recherchaient en cela la bénédiction. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il avait avec lui une hulla, humra. Une hulla, aujourd'hui à notre époque, c'est un manteau. Sauf que ceux qui ont expliqué le hadith, les savants de la langue, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est le vêtement total, le izar et le ridet. Le prophète, il avait donc un izar, donc c'est le vêtement qui s'attache en bas, et le ridet en haut. Ils disent c'est ce qui est voulu par là. Rouge, de couleur rouge. Et le rapporteur, il dit comme si je voyais la blancheur de ses deux jambes. C'est comme si je voyais la blancheur de ses deux jambes. Qala, il dit, alors il a fait ses ablutions. Il a fait ses ablutions et Bilal a fait l'Eden. Le rapporteur, il dit, alors j'ai commencé à regarder Bilal. Je suivais sa bouche lorsqu'il faisait le Eden. Je suivais sa bouche ici et là-bas, droite, de droite à gauche, lorsqu'il disait Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Thumma, puis un piquet a été placé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est avancé et a accompli la prière du Dhuhr en deux unités. Puis il n'a cessé de prier en deux unités jusqu'à ce qu'il retourne à Médine. فهذا الحديث فيه كثيرة أو فيه مسائل كثيرة خارجة عن موضوع الباب. Il y a dans ce hadith beaucoup de sujets qui sont extérieurs au sujet du chapitre, le Adhan. وسنذكر بعضها لحاجاتنا إلى معرفتها. Et nous allons citer certains de ces sujets à cause du fait que nous en avons besoin, même si ils sont extérieurs au sujet du chapitre. ففي الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith le fort respect, l'admiration donc des compagnons qu'ils avaient pour le prophète صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كوضوئه. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis de rechercher la bénédiction par les diverses traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par là, c'est ce qui était collé sur son corps et qui n'est plus collé sur son corps. Il est donc permis de le faire. Wa hadha khasun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Li anna at-tabarruka bi ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amrun yahtaju ila dalil wa la dalila ala dhalik. Car le fait de rechercher la bénédiction par une autre personne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela nous demande une preuve. Et certes, il n'y a pas de preuve montrant cela. Wa aidan dhakara ba'd al-ulama anna at-tabarruka bi ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaf'alhu as-sahaba ma'a hirsihim 'ala afdal ma yuqarribuhum ila Allah wa lam yahmil wa lam yahsul. فدل ذلك على إجماعهم عن على أنه لا يفعل. Et certains savants ont cité le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché la bénédiction chez autre que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cause. Et donc cela montre, ils disent cela montre l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que cela ne se fait pas. ثم التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من الوسائل إلى الشرك الذي هو أكبر ذنب عصي الله به. Et aussi le fait de rechercher la bénédiction par autre cause que le prophète صلى الله عليه وسلم est donc une cause, est un moyen qui va entraîner au polythéisme. Le polythéisme qui est le plus grand péché par lequel Allah tabaraka wa ta'ala fut désobéi. Et donc il est important donc de s'éloigner de tous ces péchés. Wa fil hadith jawaz lubs al ahmar min al thiyab. Wa fil mas'alati aqwal kathira min ahli al ilm. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de s'habiller en rouge. Et donc il est dans ce hadith le fait qu'il est permis de s'habiller en rouge. Il y a plusieurs avis des savants sur le sujet. Zakara ibn Hajar rahimahullah ta'ala sab'ata aqwal. Ibn Hajar il a cité 7 avis dans Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari, il a cité 7 avis sur le sujet. Wa dhalika li annahu waradat nusus fiha an-nahy 'an lubs al-ahmar. Et cela parce qu'il y a certains textes qui stipule, qui montre l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges. Fait quoi le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah wa jama'a baynahuma Ibn al-Qayyim bi anna an-nahya anhu innama huwa amma kana ahmara bahtan وأن هذا الحديث وحديث البراء في مكان مخطط بالحمرة مع ألوان غيرها. Et donc, il nous dit donc le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il a rassemblé entre les deux, c'est-à-dire les hadiths qui montrent l'interdiction et les hadiths qui montrent la permission. Il a rassemblé entre les deux en disant que ce qui est voulu par l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges, ce sont des vêtements qui sont totalement rouges. Par contre, les vêtements donc qui sont cousus avec du rouge et avec d'autres couleurs, alors non. Cela montre la permission. Comme dans ce hadith qu'on voit aujourd'hui. Ce hadith qu'on voit aujourd'hui, il dit ce qui est voulu par là. Le prophète, il avait donc une hulla rouge. Ce qui est voulu par cela, c'est donc un vêtement qui était cousu avec du rouge et d'autres couleurs. وعلق الإمام الألباني رحمه الله على هذا الكلام قائلا الجمع فرع أو فرع التصحيح والنهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث فلا داعي للجمع. Et donc l'Albani rahimahullah, il a commenté cette parole donc d'Ibn al-Qayyim. Et il a dit le fait d'unir, de rassembler, quand on a deux hadiths qui se contredisent, le fait de rassembler entre les deux hadiths, c'est quelque chose qui vient après avoir vérifié que tous les hadiths sont authentiques. Et certes, les hadiths qui montrent l'interdiction ne sont pas authentiques. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de chercher à rassembler. Et donc, on reste sur la permission. On reste sur la permission. On a aussi Ibn al-Mulaqqin, rahimahullah, qui a donc jugé, qui avait cité quelques hadiths montrant la permission, il les a cités. Il a jugé qu'il était faible. Aussi Ibn Hajar, j'ai vu qu'il a cité un hadith sur le sujet, il a dit qu'il était faible, montrant l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges. D'où l'importance de revenir vers ilm al-hadith. Ça, c'est un sujet de fiqh. C'est un sujet de fiqh. Est-ce qu'on peut s'habiller en rouge ou pas? C'est un sujet de jurisprudence. Mais la réponse à cette question, tu vas la trouver dans le hadith. Dans ilm al-hadith. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Tayyib. وفي الحديث قول أبي جحيفة كأني أنظر إلى ساقي. Il y a dans ce hadith la parole de Abi Juhayfa lorsqu'il dit c'est comme si je regarde vers la blancheur des jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 18 minutes, on va avancer encore un peu inshallah ta'ala parce que il y a plusieurs sujets importants. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إزاره إلى نصف الساقين. Les savants, ils ont cité que le prophète صلى الله عليه وسلم, il levait donc son vêtement, il levait son izar, il le relevait jusqu'à la moitié de la jambe. وأن هذه هي السنة. Et que c'est ça, la sunnah. طيب, est-ce que c'est obligatoire de lever le vêtement jusqu'à la moitié de la jambe? Non. Ce n'est pas obligatoire de lever jusqu'à la moitié de la jambe. Mais maintenant, là, وَمِنْ هُنَا نَنْ تَلِكُوا إِلَا مَسْ أَلَةٍ أُخْرَى. Et à partir de là, on va vers un autre sujet. هَلْ يَجُوز أَنْ يَنْزِلْ الثَّوْبْ إِلَى تَحْتِ الْكَعْبَيْنِ. Est-il permis que le vêtement, il descende en dessous des chevilles? فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَخْطَأَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَتَسَاهَلُوا فِيهَا. Dans ce sujet, beaucoup de personnes se sont trompées. Et ils furent preuve de négligence dans ce sujet concernant le fait de laisser les vêtements descendre en dessous des chevilles. Et c'est un sujet qui est important parce que le problème, il est malheureusement propagé. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aborder le sujet ici. Fait Eliyahum, إِذَا كُلْتَ لِشَخْصٍ إِنَّهُ مُزْبِلْ يَكُولُ لَكْ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ خُيَلًا. Aujourd'hui, si tu dis à une personne qu'il est mousbil, c'est-à-dire que son vêtement descend en dessous de sa cheville, il te dit qu'il ne le fait pas avec donc vantardise ou donc arrogance. Il ne le fait pas par vantardise ni arrogance. Il le fait parce que c'est l'habitude, j'ai l'ada, tout le monde fait comme ça ici. Et donc on fait yani hadi l'ada, annas kulluhum hakadha fa nahnu namshi ma'a annas. On fait, les gens aujourd'hui, ils ont pris l'habitude de s'habiller comme ça et donc on fait comme les gens. Je ne le fais pas par donc arrogance. وهو يعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Il s'appuie sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui fait descendre son vêtement, celui qui laisse traîner son vêtement, donc par vantardise et par arrogance, alors Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Yakulu ana la ajruhu khuyala. Il te dit: moi je ne le fais pas par vantardise, je ne le fais pas par arrogance, mais c'est l'habitude, comme je vous ai cité tout à l'heure, c'est l'habitude. Et certes, Qamis Abi Bakr, kadhalika kana yanzilu tahta ka'bay aw izaru, et de la même façon le izar d'Abu Bakr, il descendait en dessous de ses chevilles, le izar d'Abu Bakr. Naam, c'est pour cela que Abu Bakr il dit: inna izari la yastarhi illa an ata'ahadahu. Abu Bakr il dit: certes mon izar il descend, il tombe, sauf si donc j'essaie de, à chaque fois, ata'ahad, ça veut dire à chaque fois je dois le remonter. Ata'ahad, à chaque fois je le remonte. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Bakr: tu ne fais pas partie de ceux qui le font par vantardise et orgueil. Nakul Abu Bakrin kana rajulan nahifan jiddan ولم يتعمد إنزال إزاره إلى أسفل الكعبين فإنه كان يرفعه فينزل فلذلك قال إن إزار يسترخي لم يقل إني أنزل الإزار أو أزبله. Et donc nous disons pour concernant cela, Abu Bakr était un homme très mince et il n'a pas fait exprès, il ne faisait pas exprès de laisser son Izar tomber et descendre en dessous des chevilles. Cependant, il le levait à chaque fois. Il le levait à chaque fois et il tombait. Et c'est pour cela qu'Abou Bakr il a dit: certes, mon Izar, il tombe. Il n'a pas dit: mon Izar, je le fais descendre. Illa an ata'ahadahu. Sauf que à chaque fois, je le fais monter. Et donc, Abou Bakr, il ne le laisse pas descendre. Il ne le laisse pas en bas. Ça, c'est le premier point. Thaniyan, hel hunaka bainana. من هو كأبي بكر يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعله خيلا. Est-ce qu'il y a parmi nous, parmi ceux qui sont présents à la mosquée, parmi ceux qui écoutent à la radio, et parmi ceux qui vont écouter l'enregistrement, est-ce qu'il y a parmi toutes ces personnes une seule qui est comme Abu Bakr radiallahu anhu, et que le prophète atteste qu'il ne le fait pas par vantardise? Il y en a pas. Il n'y en a pas. Fais la tout qui a neuf, c'est que film échec. Donc ne te mets pas toi-même dans des problèmes. Thalifan. Thabata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma yadullu ala an-nahy mutlaqan. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui montre que cela est totalement interdit. Fi sahih al-Bukhari. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, est sahih. Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa huwa fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ce qui est en dessous, donc la partie du izar qui est en dessous des chevilles est dans le feu. Est dans le feu. Wa fi sahih Muslim, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wa dhakara minhum al-musbiru izara. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il y a trois personnes que Allah tabaraka wa ta'ala ne s'adressera pas à eux au jour de la résurrection. Il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment terrible. Il a cité parmi ces trois personnes celui qui laisse descendre son izar. لذلك قالت العلماء: الإسبال حرام ومن كبائر الذنوب أما من فعله تكبرا فهو أشد وأشد. C'est pour cela que les savants ils disent que le isbel, le fait de faire descendre ses vêtements en dessous des chevilles, c'est interdit. Et ça fait partie des grands péchés. Mais celui qui le fait par orgueil, avarice, alors cela, par vantardise, excusez-moi, alors cela est plus grave encore. Cela est plus grave encore. Taïb, wa fil hadithi aidan jawazul istidara lil mu'adhdhin fil hayyalatayn. On a bientôt fini. Il y a dans le hadith la permission de faire al-istidara, donc de se tourner à droite et à gauche lorsqu'on fait al hayya ala tayn, c'est-à-dire hayya ala salat, hayya ala falah. Mais ce qui est voulu par cela, c'est tourner la tête. C'est pas tourner le corps. C'est tourner la tête. Et donc, cela est permis, cela est une sunna pour le mu'adhin. Wa fil hadith mashru'iyatul adhan fi safar. Il y a dans le hadith le fait qu'il est permis de faire le adhan en voyage. Wa akhiran, et dernier sujet qu'on voit dans le hadith, fil hadith sunniyatu as-sutra. Dans le hadith, le fait que la sutra est une sunna. Taïb, la sutra, elle est sunna ou obligatoire? Hein? Obligatoire. Sunna, obligatoire. C'est le prophète, il a mis la lance au milieu du désert. Mm-hmm. Et donc ça, c'est obligatoire. Donc c'est une bonne chose. Obligatoire ou sunna alors? Ça dépend aussi. Alors, Faïf. As-sutra sunna ala sahih. Aïli sabbi wajiba. La sutra, elle n'est pas obligatoire. Selon l'avis le plus juste des ulema. Ad-dalil. Quelle est la preuve? Akhraj al-Shaykhan. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهدت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار إلى غير جدار الشافعي يقول إلى غير جدار إلى غير سترة فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. Dans ce hadith, il y a deux choses importantes. Regardez. Ibn Abbas, qui dit comme dans Sahihain, dans les deux recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, il dit, radiallahu anhuma, je suis venu en étant sur donc, un himar eten. Himar eten, c'est donc la femelle. C'est la femelle de l'âne. Et ce jour-là, j'étais proche d'atteindre la puberté. J'étais proche d'atteindre la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à Mina ila ghayri jidar, sans qu'il y ait de mur en face de lui. Al-Shafi'i, il a dit ce qui est voulu par là, c'est qu'il n'y avait pas de sutra. Il n'y avait rien devant lui. Et donc Ibn Abbas, il nous a décrit ça. Et ensuite il dit, alors je suis passé devant un rang, devant le rang. Je suis passé devant le rang. Et j'ai laissé donc l'ânesse partir donc paître. Et après cela, il dit, je suis rentré dans le rang. Et personne ne m'a blâmé. Quelle est la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith? La première, wadiha, c'est clair, que tu peux prier sans qu'il y ait de qibla. C'est quoi la deuxième? La deuxième, voilà. C'est que l'imam... La sutra d'imam, c'est la sutra de ceux qui prient. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas, il est passé devant le rang. Il est passé devant le rang. Et que personne ne lui a fait le reproche. Et donc, c'est pour cela que si l'imam il prie et qu'il y a quelqu'un qui passe dans les rangs, on ne va pas l'empêcher de passer comme certains parfois ils font. Ils l'empêchent de passer alors qu'ils ne savent pas que la sutra des prières, c'est la sutra de l'imam. D'accord? Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Désolé, j'ai fait un peu plus long. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.